Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. C'est le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en fin de semaine et question un peu de savoir comment, à quoi s'attendre. C'est un repêchage qui devrait quand même apporter son lot de questionnements, raison qu'il y a beaucoup de Québécois qui maintenant longuent vers le USHL. On parle avec le directeur de la centrale de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Carl Bouchard. Bonjour, Carl. Bonjour. Carl, à quoi s'attendre du repêchage en fin de semaine? Est-ce que c'est une bonne cuvée? Oui, c'est une très bonne cuvée. Et tu l'as dit en entrée de jeu, l'incertitude de certains joueurs font que le repêchage, on ne sait pas trop vers où on va se projeter, vers où on va s'en aller. Mais si on fait abstraction des joueurs qui semblent ne pas vouloir venir dans la Ligue, c'est une excellente cuvée. Les trois premières rondes sont très intéressantes pour les équipes. Est-ce que c'est vraiment plusieurs cas qu'on a? Puisque là, on a entendu parler de Juno qui l'an prochain, décide d'aller dans la USHL. Mais est-ce qu'il y en a plusieurs? Ouais, il y en a plusieurs, mais de là, il y en a qui s'annoncent, là, mais je pourrais dire honnêtement, là, beaucoup de joueurs vont jouer dans notre ligue. Beaucoup de joueurs qui sont annoncés avoir des ententes à avec une université américaine, vont quand même jouer dans notre ligue, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est une façon un peu pour décourager les équipes de pas les repêcher? Plus maintenant, parce que avec les nouvelles règles qu'il y a dans les Jeux du Québec, les équipes bon, ils vont les repêcher. Donc, s'ils viennent pas l'année après, ils sont quand même compensés avec un choix de première ronde. Donc, puis je pense que les équipes font un très bon travail de recherche. Ils rencontrent les jeunes, rencontrent les agents, rencontrent les parents. Puis ils sont capables là, de dire aux jeunes que la Ligue du Québec est un excellent produit pour eux autres. OK. Est-ce que c'est, tu l'as dit en train de jouer, que c'était une bonne cuvée. Est-ce que c'est plus une cuvée de défenseurs, d'attaquants et ainsi de suite? C'est un mélange d'attaquants et de défenseurs. Je te dirais que c'est une meilleure cuvée d'avant. La seule faiblesse de cette cuvée, c'est au niveau des gardiens de but, où c'est un petit peu le faible les années passées. Par contre, il y a quand même des gardiens qui vont être repêchés puis qui vont aux juniors dans une avenir approchée. OK. C'est quand même un peu surprenant parce que, voilà, une vingtaine d'années, le Québec, c'était une pépinière de gardiens de but avec les Marc-André Fleury, les Jean-François Danfousse, je me rappelle, les Jean-François Danfousse, Roberto Luongo, Maxime Ouellet. Il y en a eu plusieurs là, qui ont été repêchés activement dans la Ligue nationale. Là. Absolument. C'est des cycles. C'est des cycles qui font que maintenant, ben, je veux dire, le repêchage des 2000, l'année à Olivier Rodrigue, Alexis Gravel, Kevin Mandelosé, ça va être une très bonne année pour la Ligue junior du Québec. Cette année, ça fait 2 ans là, qu'on est dans un petit creux de vague, mais je te dirais qu'au niveau national, pour couvrir les événements des joueurs nés en 2003, puis pendant toute l'année, partout au Canada, c'est pas une grosse année de gardien à travers le Canada. OK. Dis-moi, dans la région, des joueurs natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce qu'il y en a plusieurs qui pourraient être repêchés? Oui, c'est évident que les joueurs qui ont joué midget 3, quelques-uns qui ont joué midget espoir, ils ont des grosses chances d'être repêchés. On parlait de gardien. Je pense que William Blackburn sera peut-être le premier de la région à être nommé samedi lors du repêchage. Il devrait sortir la quelle ronde, à peu près? Nous autres, on l'a placé en troisième ronde, je veux dire, dépendamment des besoins des équipes. Je pense que c'est sa place, ça, c'est honnête, là, milieu 3, là. Ensuite, il y a le jeune Duchaume, le défenseur de Mastoyache, si je me trompe pas, qui devrait sortir dans les 5 premières rondes. Mais dans la région, pour cette année, c'est pas une grande cuvée non plus, là, ça suit. Mais il y en a plusieurs qui vont être repêchés, mais pas dans les 5 premières rondes. OK. La centrale de recrutement, c'est un peu comme une équipe, hein? C'est une équipe qu'on ajoute, c'est ça? Et on fait notre classement par la suite. Nous autres, dans le fond, on travaille pour la Ligue. On forme une liste, puis les équipes, ben, c'est un outil de travail pour les équipes. Puis il y a des équipes qui s'en servent, il y a des équipes qui s'en servent moins, mais ça donne une autre vision des joueurs là, qui sont évalués pendant la saison. OK. Ben, Carl, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. Ça va commencer à compter de samedi 10h. C'est à Québec, sur les ondes de TVA Sport également. Parfait, oui. Voilà, donc, le directeur de la centrale de recrutement, Carl Bouchard.